Ibn Utsaymin et son revirement concernant le statut des lois humaines. Ibn Utsaymin fut interrogé. Y a-t-il une différence entre un cas particulier où le juge ne juge pas d'après la loi d'Allah et entre les cas qui consistent en une législation générale? Il répondit. Oui, il y a une différence entre ce qui consiste en une législation générale. Ceci n'entre pas dans le départage précédent. Cela fait uniquement partie de la première catégorie, ceux de la grande mécréance. Car celui qui légifère ce qui va à l'encontre de l'islam ne le fait que par conviction que ce qu'il légiférera est meilleur que l'islam ou plus bénéfique pour les serviteurs. Voir dans Majmou' Fatawa, volume 2, à la question 228. Et il disait, juger par autre que la loi d'Allah est de deux sortes. La première, qu'il abolisse la loi d'Allah et la remplace par une autre loi du Tarout, de telle manière qu'il annule la loi de la Sharia entre les gens et met à sa place une autre loi inventée par un homme. C'est comme ceux qui abolissent les lois de la Sharia dans les affaires sociales et les remplaçant par les lois inventées. Il ne fait aucun doute que ceci est un échange entre la loi d'Allah et une autre. Et ceci est une mécréance qui expulse de la religion. Car celui qui fait cela s'est mis au niveau du Créateur. Lorsqu'il légifère pour les serviteurs d'Allah, qu'Allah n'a pas permis, et même pire, qui s'oppose à la loi d'Allah, Azza wa Jal, et il en a fait la loi qui tranche entre les gens. Allah a nommé cela « shirk » dans sa parole. Aurait-il des associés qui leur auraient légiféré des lois religieuses qu'Allah n'a jamais voulu? Voir dans « Fiqh al-Ibada » à la page 60. Et il disait « Ce que l'on comprend des propos des deux shirks, c'est que la mécréance concerne celui qui rend licite cela. Quant à celui qui juge par cela en le considérant comme un péché, celui-là n'est pas un mécréant, car il ne l'a pas rendu licite, mais il se peut qu'il fasse par peur ou impuissance ou autre. Et de ce fait, ces trois versets s'appliquent dans les trois cas différents. Celui qui juge par autre que la loi d'Allah en échangeant la justice d'Allah, ceci est une mécréance majeure, car il s'est mis législateur avec Allah Azza wa Jal, car il déteste la loi d'Allah. » Fin de citation, voire dans Fitnatut Takfir à la page 18. Et il disait, ceux qui aujourd'hui jugent avec les lois inventées par les hommes et abandonnent derrière eux le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas croyants, d'après la parole d'Allah ta'ala. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. Et de la parole d'Allah, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Sourate 5, verset 44. Ces gens qui jugent avec les lois inventées par les hommes ne le font que dans un cas particulier, dans lequel ils contredisent le Coran et la Sunna à cause de la passion et par injustice. Mais ils ont bel et bien échangé la religion contre ces lois humaines. Ils ont mis ces lois humaines à la place de la loi islamique. Et ceci est une mécréance. Et ce même s'ils prient, jeûnent et donnent l'aumône et font le pèlerinage. Ce sont des mécréants. Voir dans Sharh Riyad Salihin, volume 1, à la page 508. Mais un jour, il changea d'avis. Et il dit, en ce qui concerne le fait de juger par autre que la loi d'Allah, cela peut avoir trois cas de figure, comme nous le trouvons dans le livre du Tout-Puissant. Soit une mécréance, soit une injustice, soit une perversité. Et cela varie en fonction des causes qui l'amènent à cela. Si l'homme juge par autre que la loi d'Allah par ses passions, en sachant que la vérité est dans le livre d'Allah, il n'est pas mécréant, mais bien pervers ou injuste. S'il légifère une loi générale pour que les gens la suivent et est d'avis que cela sert à un bienfait ou bien qu'il est victime d'une manipulation, il n'est pas mécréant non plus. Car beaucoup de gouverneurs ignorent la loi islamique et sont en contact avec des gens qu'ils prennent pour des savants mais qui ne connaissent pas la loi religieuse, ce qui cause des contradictions. S'il connaît la loi islamique mais gouverne par autre que cela, ou légifère autre que cela, et en fait une constitution que les gens doivent suivre, mais qu'il a conviction que ceci est faux et que la vérité est dans le livre d'Allah, nous ne pouvons pas le juger mécréant pour cela. Celui que nous jugeons mécréant, c'est celui qui pense que la loi d'un autre qu'Allah est meilleure pour les gens ou équivalente. Celui-là est mécréant, car il a démenti le verset d'Allah. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Est-ce le jugement du paganisme qu'ils veulent? Qui donc est meilleur qu'Allah en tant que juge pour des gens qui ont certitude? Fin de citation. Observez ce revirement, mes frères, et observez qu'il s'est limité à dire « Nous ne pouvons pas le juger mécréant pour cela. » Sans expliquer pourquoi et pour quelle raison ces anciennes fatawas étaient fausses et sont inapplicables. Lorsqu'il dit « S'il connaît la loi islamique, mais gouverne par autre que cela, ou légifère autre que cela, et en fait une constitution pour les gens qu'ils doivent suivre, mais qui la conviction que ceci est faux et que la vérité est dans le livre d'Allah. Cet exemple est imaginaire et irréel. Aucun gouverneur au monde aujourd'hui ne dit que sa constitution est fausse et que la vérité est de juger par la loi d'Allah. Au contraire, tous prétendent soit que leur constitution ne contredit pas la loi islamique, ou bien ils disent que la loi islamique ne concerne pas la politique, mais uniquement les adorations. Ou alors, donnez-nous un seul exemple d'un seul gouverneur au monde ou dans l'histoire qui ait déjà inventé une loi qu'il impose de manière générale et en fait sa constitution qui ait déjà avoué avoir eu tort de cela et avoir reconnu que la vraie loi est la loi d'Allah. Et en imaginant qu'il avoue être en tort et que la vérité est dans la loi d'Allah, à quoi ça va lui servir de l'avouer? Quelle différence entre lui et celui qui dit « Je suis un Dieu, adorez-moi », mais qui avoue avoir tort et reconnaît qu'Allah est le seul unique vrai Dieu? Qu'est-ce que cela changera son statut alors qu'il commet cette impiété et cette mécréance flagrante? Les Juifs savaient que le prophète était venu d'Allah avec la vérité et qu'eux étaient injustes en lui étant hostiles. Pourtant, ils sont mécréants, comme le stipule le texte saint et l'unanimité. Si le gouverneur qui se met à l'égal d'Allah dans la législation n'est pas mécréant, mais quand donc devient-il mécréant? Ibn Uthaymin nous répond, celui que nous jugeons mécréant, c'est celui qui pense que la loi d'un autre qu'Allah est meilleure pour les gens, ou équivalente. Celui-là est mécréant, car il a démenti le verset d'Allah. Allah n'est-il pas le meilleur des juges? Ibn Uthaymin ne juge mécréant que celui qui démentit Allah, et ceci est totalement faux, et la fausseté de cette parole est évidente et fatalement connue par tout musulman. Et nous l'interrogeons donc. Que dis-tu de celui qui ne juge pas par la loi d'Allah? Non pas parce qu'il dément Allah, mais parce qu'il déteste sa loi. Est-il croyant? Tu seras obligé de nous dire oui. Et là nous te disons, que fais-tu de la parole d'Allah? C'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah a révélé, qu'Allah a anéanti leurs œuvres. Sourate 47, verset 19. Et s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah, par hostilité et jalousie contre le prophète et les musulmans, et non par démenti d'Allah, comme les juifs, il n'est pas mécréant d'après toi? Et s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah, par refus et orgueil, comme Iblis et Pharaon, et non par démenti, il n'est pas mécréant? Et s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah, par alliance avec les juifs et les chrétiens, et pour leur obéir et les satisfaire, il n'est pas mécréant? Mohammed ben Ibrahim al-Achir a donné 6 cas de figure où celui qui ne juge pas d'après la loi d'Allah sort de l'islam. Alors d'où sort Ibn Uthaymin qu'il n'y en a que 2? Que fait-il de celui qui ne croit pas que la loi d'un autre qu'Allah soit meilleure ou égale, mais croit qu'il n'est pas obligatoire de juger par la loi d'Allah et qu'il a le choix? L'a-t-il mentionné? Mohammed ibn Abdel Wahhab mentionna que celui qui change la loi d'Allah et celui qui gouverne d'après la loi du Tarout sont parmi les têtes des Tawarit et les plus grands d'entre eux. Alors d'où sort Ibn Uthaymin qu'au contraire ce sont des musulmans monothéistes? Lui, tout comme les autres savants du sultan, ont changé la religion d'Allah pour protéger les Tawarit. Qu'Allah lui donne ce qu'il mérite.